de la neige, vas-y donc. On y mettrait Marseille et la rade de Toulon. On y mettrait Marseille et la rade de Toulon. On y mettrait Grand Chauve et les deux frères Rouston. Et vas-y donc, Madeleine et vas-y donc. Regarde plus le fond de nos idées n'ayant jamais perçu les fantaisies humaines, les idéaux d'un soir, les convictions, les rêves, préférons l'illusoire. Sans raison ni critique, on t'attribue l'air du mouton. C'est un peu trop facile, il te reste les chansons. Ils sont venus te dire, ne te réveille pas, l'histoire est bien facile, on l'écrira pour toi. Reste bien docile et opte pour cela. Travail, famille, patrie, ton refrain est là. Peur de l'esprit critique et de la rébellion, ils oublieraient bien vite qu'il te reste des chansons. L'histoire d'un type qui ne croirait plus au son des grosses cloches et des idées reçues. Un matin sans rien dire, simplement pour mémoire, il se mit à écrire ses petites histoires. Sur fond de musique et de calembours, loin des sensibleries de la chanson d'amour. Sans le savoir, il rime, loin d'être un conte tout court. Il cale sa rythmique aux accents des faubourgs. Sa raison, sa critique, qui se les peaufine au fil des jours, offrant ses périodiques au fumier de ses labours. Sur son vélo Solex, en position vélo, il se rend au bureau de votre pot de faux. Sa carte des lecteurs lui sert de marque-page, convaincu que les livres pourraient la rendre sage. Rien ne sert de souscrire aux fabulistes à l'unisson. Sa voix restant unique, il prend le parti des chansons. Rien ne sert de souscrire aux fabulistes à l'unisson. Sa voix restant unique, il prend le parti des chansons. Le parti des chansons, le parti du moindre con.